Chapitre 4. Tu vas donc aller au séminaire ? Demanda Benjamin Rousseau à Demian, qui essayait de se fabriquer une espèce de guitare rustique avec du bois blanc. Crois-tu qu'ils te permettront de faire de la musique ? Est-ce que tu emporteras ta balalaïka ? Le jeune garçon contempla l'œuvre de ses mains inhabiles, puis se remit à tailler le bois avec son couteau. « Je n'en sais rien, » dit-il. « Si je ne puis pas l'emporter, je te la donnerai. » « C'est cela, » fit le jeune Roussoff avec un signe de tête énergique. « Je pensais bien que tu me la donnerais. Et ton frère, est-ce qu'il en a une ?»« Non. Victor aime bien la musique quand c'est moi qui joue, mais il n'entend rien en faire lui-même. »« Qu'est-ce qu'il fait donc pour s'amuser ?»« Il m'écoute. » Benjamin avait l'air de penser que cela ne suffisait pas. Ce n'est point lui qui eût laissé dormir à son clou une balalaïka neuve. Dût-il en tirer les sons les moins harmonieux ? Il l'eût persécuté sans merci, prisant en fait de son la quantité plus que la qualité. Néanmoins, il tira de sa poche un petit papier qu'il montra mystérieusement à son camarade. « Sais-tu ce que c'est ? » dit-il d'un air important. « Non, c'est bien petit, devine. Fais-moi toucher un peu. » Il avança deux doigts, fit craquer le papier et, rouge de plaisir, « Des cordes !» s'écria-t-il. « Oui. » des cordes neuves pour ton violon. J'avais justement cassé ma chanterelle pendant le carême, dit Demian, encore tout saisi de joie. Ou bien, si je puis emporter ma balalaïka, je t'en ferai une autre pour toi tout seul. Comment as-tu eu cette idée? C'est papa. Je lui demandais ce qu'il fallait apporter en cadeau pour ces vacances-ci. Je ne suis pas riche, tu sais. Je ne pouvais pas dépenser plus de 50 kopecks. Il m'a dit que des cordes de violon te ferait plus de plaisir que tout au monde. « Ton père est bon, » dit gravement Demian. Il réfléchit un instant, puis se remit à faire des copeaux de bois avec une activité nouvelle. Il faisait très chaud. La mi-juillet apporte presque toujours des orages que le vulgaire attribue au char du prophète Élie, roulant dans les cieux à l'occasion de sa fête qui tombe le 18. L'air était lourd, et si nos jeunes gens ne s'en apercevaient pas, Victor, à peine assez remis de sa terrible chute pour se tenir debout et marcher avec l'aide d'une canne, se sentait tout à fait brisé. Couché dans l'herbe à deux pas de ses camarades, sous l'abri protecteur d'un énorme bouleau, isolé sur la pelouse du jardin seigneurial, il semblait chercher la fraîcheur dans le gazon même et plongeait sa figure dans les touffes épaisses d'une herbe robuste. « Et toi, Victor ?» reprit Benjamin, qui ne savait rester silencieux plus d'une minute. « Qu'est-ce que tu feras pendant que ton frère sera parti ?»« J'attendrai qu'il revienne, » répondit Victor, toujours résigné. « Il m'attendait autrefois, quand c'était moi qui allais au séminaire. »« Et Paracha, que dit-elle de ce changement ?»« Praskovy Markov, ainsi familièrement désigné sous le diminutif de son nom, ne se préoccupait guère de ce qui se passait autour d'elle. C'était une jeune fille de 19 ans, sérieuse, positive, absorbée dans des calculs et des espérances connues d'elle seule, et qui n'avait au monde qu'une idée, se marier le plus avantageusement possible. Malheureusement, son père n'avait pas de dot à lui donner, et les filles sans dot sont difficiles à marier sous toutes les latitudes européennes et même sous quelques autres. Paracha ne dit rien du tout, ça lui est bien égal, elle secoue des chemises, répondit Demian. Benjamin resta pensif. Secoudre les chemises lui paraissait un idéal fort restreint. Mais peut-être n'était-il pas bien au courant des mystères du trousseau? Il ignorait qu'à mettre des points dans la toile qu'elle emportera chez son mari, une fille de prêtre passerait volontiers la moitié plus le quart de ses journées. Une grande jeune fille d'environ 20 ans traversa la pelouse en se dirigeant vers les jeunes gens. « Maman demande si vous voulez faire un peu de musique, » dit-elle à Demian. Son bon regard et son sourire s'adressaient plus à Victor qu'à son frère. Ses enfants Roussoff étaient pleins de bonté, comme leurs parents. Et cette bonté compatissante, depuis l'accident, s'adressait plus particulièrement au pauvre infirme. « Allons !» s'écria Demian, qui courut en avant avec Benjamin pendant que Mademoiselle Roussoff marchait plus lentement à côté de Victor, qui se traînait encore péniblement avec l'aide d'une canne. Comme ils approchaient du salon, les accords bien connus d'une sonate pour piano et violon résonnèrent à leurs oreilles, et ils s'arrêtèrent pour entendre. Demian jouait de son instrument chétif avec une adresse étonnante. Son doigté fantasque se souciait peu des règles de l'art. Bien des notes n'eussent pas trouvé grâce près de l'oreille d'un maître. Mais un sentiment sauvage, fougueux, passionné, emportait l'enfant musicien au-delà du monde réel, du piano médiocre, du violon mauvais, de la musique difficile à lire, difficile à exécuter. Après 10 mesures de bredouillage complet, une phrase mélodique se dessinait-elle, Demian l'accueillait du bout de son archet et l'emportait à des hauteurs où le compositeur lui-même n'eût pas dédaigné de la saluer au passage. « Asseyons-nous ici, nous entendrons aussi bien, et il fera moins chaud, » dit Mademoiselle Roussoff, en indiquant un banc placé sous les fenêtres du salon. Ils s'assirent en silence et écoutèrent longtemps. Par moments, lorsque le désaccord entre les instruments s'élevait à la hauteur d'une véritable querelle, Madame Roussoff s'arrêtait court. « Recommençons, » disait-elle de sa voix tranquille, et Demian, maté par ce sang-froid, reprenait la page embrouillée et la débrouillait plus lentement. C'étaient ces leçons patientes qui avaient formé le talent naissant du jeune garçon. Sans elles, il n'eût été qu'un violonneux vulgaire. Grâce à cette éducation quasi maternelle, il se sentit devenir un artiste, de même que son caractère s'assouplissait et que ses manières s'élevaient peu à peu au-dessus de celles de ses pareils. Agrippine Roussoff, que ses parents et amis appelaient familièrement Groucha, se tourna vers son chétif compagnon. « Il va bien ?» dit-elle en souriant. « Vous croyez ?» fit timidement Victor en répondant à son sourire. « Il a fait beaucoup de progrès depuis l'été dernier. Il a l'étoffe d'un artiste en lui. » Les yeux de Victor brillèrent d'orgueil, mais il éteignit son regard et soupira. « À quoi cela lui servira-t-il quand il sera prêtre ? » demanda-t-il tristement. « Cela sert toujours, quand ce ne serait que pour les belles pensées que la musique fait naître. Est-ce qu'il ne vous semble pas, parfois, qu'elle est comme une prière ? Et à l'église, est-ce qu'on prierait la moitié aussi bien si les chantres ne chantaient pas les hymnes ?»« Oui, certainement, » répondit Victor avec quelque hésitation. « Chanter, c'est permis, mais le violon. Je n'ai jamais entendu parler d'un prêtre qui joue du violon. »« Eh bien, Demian sera le premier, » dit Groucha. Cette aimable fille, si elle avait une devise, eût certainement arboré sur son pavillon « tout pour le mieux ». Mais son optimisme ne se bornait pas à déclarer que tout est parfait sous les rayons de la lune. Elle travaillait sans cesse du cœur et de ses mains agiles à améliorer ce qu'elle déclarait excellent. Aidée par ses parents, dont la largeur de vue et la charité efficace ne connaissaient de bornes que dans la modicité relative de leurs revenus, elle était ainsi devenue une providence palpable, souriante et paisible, dont émanait une douceur échauffante sur tous les êtres grands et petits qui souffraient autour d'elle. Victor, la voyant absorbée par l'audition d'un adagio favori, se hasarda à porter les yeux sur ce blanc visage, plus touchant que beau, plus aimable que régulier, et dont le charme principal était la clarté de deux yeux gris foncés, doux et lumineux, qui, on ne sait pourquoi, en présence de cette jeune fille, faisait songer aux images de la charité tenant deux enfants dans ses bras. Cette figure calme, ses joues teintes par un rose délicat, ce corps charmant, ni trop grêle, ni trop puissant, mais doux à l'œil comme une matinée de mai, avait toujours présidé aux destinées de Victor. Tout petit, quand il n'était pas sage, on le menaçait de ne pas le laisser jouer avec Mademoiselle Roussoff. Celle-ci, grave comme une infante, grâce aux 3 ans qu'elle avait de plus que son camarade de jeu, lui taisait un peu de morale, acceptait dignement ses promesses de ne plus recommencer, et le tout finissait par une dinette et pas mal de confitures. C'est ainsi, par un ascendant moral aussi bien que matériel, que Groucha avait pris une place prépondérante dans la vie de son jeune ami. Il la respectait à ce point qu'en lui-même il la nommait Mademoiselle Roussoff, et ne se fut jamais permis de la désigner sous le nom de Groucha, depuis qu'il avait eu 6 ou 7 ans. Il ne savait guère de quel nom appeler le sentiment qu'il éprouvait pour elle. Cette tendresse émue et confiante, cette sécurité près d'elle, ce découragement quand elle était au loin. Et pourquoi donner un nom à ces impressions délicieuses? En les classant, on leur ôte le velouté de la pêche, le satin des blancs pétales de jasmin. Ces choses-là se ressentent, se devinent et ne s'expriment pas. Un jour, cependant, quelques mois avant l'accident qui avait brisé sa carrière, Victor avait une sorte d'éclair dans l'âme qui lui révélait, s'il l'eût voulu, quelque chose de plus précis. son père et sa mère parlaient devant lui de son avenir, des sacrifices qu'il leur coûtait, et tout naturellement, le mariage futur du jeune aspirant à l'apostolat se trouva sur le tapis. « Il faudra donc que je me marie ?» demanda Victor assez brusquement. « Tu sais cela depuis le berceau, » répondit sa mère. « On dirait que tu y songes pour la première fois. » « On m'a parlé, » dit-elle, en se tournant vers le père Kouzma, « de la seconde fille du prêtre de Berezovka. Elle aura de l'argent et elle n'a que 11 ans. Il faudra nous mettre bien avec ces gens pour que le mariage s'arrange de lui-même quand ce garçon-là aura l'âge voulu. » Victor ne répondit rien et laissa ses parents débattre les avantages et les désavantages du marché, car ce n'était pas autre chose. Une grande répugnance l'avait saisi tout à coup à la pensée de cette fille de 11 ans qu'il ne connaissait pas, que personne ne connaissait dans sa famille, dont on avait parlé comme d'un objet à acquérir. Sa répugnance s'étendit jusqu'à l'idée du mariage en lui-même, et comme c'était un garçon réfléchi, il se demanda pourquoi ce sentiment nouveau et extraordinaire. « Quitter cette paroisse, » se dit-il le cœur serré, « voilà ce qui serait dur. » Puis il se dit que ce n'était pas lui qui quitterait la paroisse, puisqu'au contraire, il y amènerait sa jeune femme. Si elle allait déplaire à la famille Roussoff, pensa-t-il avec un petit frisson. Il lui semblait voir les yeux gris de Mademoiselle Roussoff se détourner de la nouvelle mariée avec le calme dédain qui caractérisait son extrême mécontentement. « Jamais, se dit-il, jamais une femme qui déplairait à Mademoiselle Roussoff. » Au lieu de creuser ce problème dangereux, il s'était adonné à la chasse des petits oiseaux qui ne lui avaient hélas pas mieux réussi, et depuis, c'est avec une sorte de joie qu'il avait vu passer sur la tête de son frère les honneurs et prospérités dus à l'aîné de la famille. « Je ne me marierai pas avec la fille du prêtre de Berezovka, » s'était-il dit. « Je ne me marierai pas du tout. Qu'est-ce qui vaudrait d'un vilain bossu comme moi ?» Et ses réflexions, au lieu de l'attrister, avaient mis une sérénité nouvelle dans son existence. C'est donc avec un sentiment de modestie et de timidité fort naturel auprès d'une personne aussi imposante, qu'il leva les yeux sur Groucha et qu'il s'adonna au plaisir de contempler ce visage doux et reposant. Mais elle ne s'aperçut pas de l'admiration de Victor, les yeux fixés sur une touffe de rosiers blancs que certes elle ne voyait pas. Elle rêvait en écoutant l'adagio et sa rêverie prenait une teinte mélancolique car sa bouche s'attrista et ses cils châtains tombèrent sur ses joues légèrement pâlies. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit tout bas Victor, qui eût fait n'importe quel sacrifice pour lui rendre la première expression de son visage. Elle répondit par un signe de tête et resta muette, absorbée dans sa vision intérieure. Le roulement d'un tonnerre lointain ouvrit un pianissimo délicat, exécuté à l'intérieur par les deux instruments. Puis la musique reprit avec force. « À quoi pensez-vous, mademoiselle ?» reprit Victor, incapable de garder sa question plus longtemps. Elle rougit légèrement, puis sourit. « À 1000 choses lointaines, » dit-elle. « Lointaines ?» Elle indiqua de la main les nuages menaçants qui venaient à eux avec rapidité. « Plus lointaines que l'orage, » dit la jeune fille avec le même sourire un peu mélancolique. Les grondements du tonnerre se rapprochèrent, et leur dernier écho parut mourir au-dessus de la maison. « Il joue du piano, » dit Victor un peu nerveux. « Faut-il les avertir qu'ils tonnent ? Ils n'entendent peut-être pas. « L'orage peut passer, » dit Roucha. « Attendons un peu. » La sonate continuait à l'intérieur, mais Victor, inquiet, ouvrait et fermait ses mains fiévreuses. Une superstition universelle en Russie, et qui atteint les classes les plus élevées comme les plus humbles, interdit de faire de la musique pendant l'orage. Il semblerait que l'audacieux exécutant voulût braver les éclats de la foudre et lutter avec la puissance que Dieu manifeste ainsi. La famille Roussoff ne partageait pas ce préjugé, mais s'y soumettait, pour ne pas choquer les inférieurs ou même les égaux, moins délivrés qu'eux-mêmes des 1000 entraves de la superstition. Un éclair lilas brûla les yeux de nos amis et les fit lever avec précipitation de leur siège rustique pendant que le bruit du tonnerre les assourdissait. Ils mirent leurs mains sur leurs oreilles et rentrèrent aussi vite que possible dans le salon où Madame Roussoff et Demian reprenaient leur allégro interrompu par tout ce fracas. Seulement, comme le ciel s'était fort assombri, ils avaient allumé des bougies, et c'est à cette clarté artificielle qu'ils continuaient leurs études. « Maman, » fit doucement Groucha, avec un sourire qui excusait toutes les faiblesses et ramenait sa mère à la nécessité de toutes les concessions. « Il tonne très fort. »« Demian, » fit Victor, encore tremblant d'émotion et un peu de colère à la vue du sang-froid de son puni. « Il tonne. Comment peux-tu jouer du violon ?»« Nous attendrons que l'orage soit fini, » dit Madame Roussoff en se levant tranquillement, « et nous recommencerons. »« C'est ennuyeux, » gronda Demian, vexé de se voir interrompre dans la chaleur de son travail. « Qu'est-ce que cela peut faire qu'il tonne ou non ?»« C'est le prophète Élie qui se promène là-haut, » dit Monsieur Roussoff, qui venait d'entrer. Car le propre de l'orage est d'amener dans la même pièce tous les habitants d'une maison, mus absolument par le même sentiment que les moutons qui se groupent en tas au premier éclair. « Qu'est-ce que cela me fait, le prophète Élie ?» grommela le jeune révolté. « Oh, Demian !» s'écria Victor, tout à fait scandalisé. Un autre éclair, moins vif, traversa le ciel assombri. Tout le monde fit le signe de la croix, sauf M. Roussoff, qui continuait à promener sur l'assemblée son regard tranquille et quelque peu railleur. Puis, on attendit encore un peu, et l'orage, paraissant en fuite, les musiciens se dirigèrent vers le piano. La sonate reprit, mais Victor n'avait plus le même plaisir à l'écouter, ni les autres à l'exécuter. Après un premier morceau, tout le monde se déclara fatigué et chacun se retourna à ses occupations. Pendant que Victor se dirigeait avec son frère vers leur humble maisonnette, non sans lui reprocher son indifférence à l'endroit du tonnerre, M. Roussoff arrêta au passage sa femme qui allait jeter un coup d'œil à la cuisine. « Si ce Demian n'est jamais prêtre, dit-il, je connais quelqu'un qui sera bien surpris. » « Tu ne crois pas qu'il en ait la vocation ?» demanda Madame Roussoff, sans paraître étonnée. « On ne s'étonnait jamais rien dans cette famille. » M. Roussoff rit silencieusement et conclut en manière de péroraison un discours qu'il avait gardé pour lui. Ils ont tous deux manqué leur affaire, Victor en n'étant pas prêtre, et Demian en se préparant à le devenir. Mais le jeune scélérat n'a pas encore prononcé de vœux, et la Providence a des voies impénétrables. « Et toi, tu te sens disposé à lui venir en aide ?» demanda Madame Roussoff. Son mari hocha affirmativement la tête, après quoi ils échangèrent un sourire et se tournèrent le dos, chacun allant à sa besogne.